Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. Aujourd'hui, assemblage requis. Xavier Antoine continue son guide cadeau pour gâter. Et on parle sport avec Nicolas Ducharme. C'est assemblage requis, ça commence à l'instant même de l'humanité. C'est faire. Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières en ce lundi 12 décembre 2011. Lui, c'est François Desmarchands. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, déjà la mi-décembre. Déjà. Ça va très vite. Il nous reste quoi, 2 semaines si on compte aujourd'hui? À peu près, oui. Pas mal ça. D'émission. Après ça, on se lève tard. On s'en reverra en janvier. Ouais, mais on va être là pendant les fêtes quand même, mais juste d'outre-tombe. Ouais, hein, d'outre-tombe. Dans le coma. Dans le coma éthylique. Oh, ça va être beau. Aujourd'hui à l'émission, on a Kiwan en direct de l'Alberta avec sa chronique Kiwan en cavale. Il nous parle comme toujours de musique canadienne et on va entendre aujourd'hui Born Gold. Born Gold. Pas Porn Gold. Non. Bien compris, Born. Born Cold. Gold, pas cold. Porn Cold, ce serait bizarre. Hein? Là, c'est bizarre. C'est mêlant un peu, je trouve. Ensuite, il y aura la chronique CNX avec votre bulletin geek de la fin de semaine. Ensuite, à 8h, qu'est-ce qu'on a, François? Après ça, en fait, on reçoit Glouglou, Xavier Antoire, qui nous parle de thé, de cuisine. Oui. Et il nous continue son spécial cadeau de Noël avec des articles qu'on peut trouver en rapport avec le thé, évidemment. Exactement. Il y a tellement de choses à acheter pour les fans de thé. Ça fait déjà 2 chroniques qui nous préparent là-dessus. Le troisième, à un moment donné, ça rentrera plus dans les armoires, ça, là. On fait l'émission à 8h30. On a Nicolas Ducharme avec sa chronique sportive. Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Oui, tout à fait. On va parler de sport. On va parler sûrement de l'échange du Canadien de Montréal. On a échangé nos mères, c'est ça? On a échangé pratiquement. Non, mais je pense que c'est un bon échange. On va voir ce qu'il en pense. Évidemment, en fait, on va faire le tour des autres sports aussi. Oui. Donc ça va être vers les 8h30 minutes. En fin d'émission, ça, c'est le moment où moi, je fais semblant de comprendre. OK. C'est la fin d'émission. Avant ça, on commence en musique. Et voici, sur le palmarès anglophone, la formation de Lisa Maris. C'est très, très bon sur leur album Long Live the King. Voici E. Watson. Sur C'est fou 89 FM, cet assemblage requis jusqu'à 9h. The air all painted pallor gray, the storm was coming in. Folks were lining out in all directions. Me and Hood and Henry Short were pitching on the skiff, trying to make it home before the night. The gray waves were rolling, bowled the brave, brave ocean and rolled us suckers in. Well, I don't keep to goings on, I tend to stick with kin. But Watson had an inn from the beginning. He built that house on Chatham Bend, a whitewashed knotted pine. 90 acres furrowed for the cane. He drove it down from Georgia. His dad, a martyred soldier in the war between the states. Lord, bring down the flood.

snip, snip, snip. I'm woodland.

Get Slow Half Clock de Zef. D'abord, attends, c'est dans tes dents. Ce matin? J'allais te demander si t'aimais ça, mais je suis pas sûr de vouloir. Ben, non, c'est pas super. C'est pas super. Ça rentrait, là, ça bougeait. Là. C'est ça, ça bougeait. Ouais, ça bougeait. Hein? Ça réécrit sur une piste de danse. Ça réveille moins bien que d'habitude. Ça réveille. Bon. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Rocky. Yeah! On se retrouve tantôt avec Xavier Antoir et sa chronique Tais-toi et cuisine. C'est encore ça. Délicieuse. Ah, chronique. On lui avait demandé une bûche et il a livré non, la marchandise. Non, il l'avait pas demandé, il l'avait offert. J'avais proposé. T'avais proposé. Ok, il l'avait proposé. Bon. J'ai jamais forcé à rien faire. Non. Non? Avec un couteau de plastique. Non. Ah, il est pas en plastique. Ah, oh. Oh, Colin, t'as ça dedans. Ça a l'air pointu. Et coupant. Attends un peu. Ça va être au retour de la pause. Ouais, c'est ça. On vient, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Deuxième assemblage Rocky en ce lundi 12 décembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et bon, François-Olivier. Oui, on a du plaisir en ce début de deuxième heure parce qu'on va manger de la bûche qui sent un peu, ça sent, je sais pas, pomme un peu, peut-être un petit peu. Pomme. Peut-être pomme, je sais pas, non? Pomme. La misère à sentir, qu'est-ce que c'est? Pomme, cannelle, ananas. Ah. Cerise. Oh. Non, c'est des canneberges. Canneberges. Ah, ça va être bon. Ça va être bon, bon. René, ça, les cranberries. Et ce parle-moi pas là-dessus, toi. Parle-moi pas là-dessus. Start le pot. Non, on va commencer la chronique, on lui en parle après. C'est Tais-toi et cuisine. Hey! All laugh. Ouh. Hold this. Xavier Antoine, bonjour. Bon matin, les gars. C'est comme un trio de la mort, ça. Ça va très, très bien, puis vous deux. Ça va bien. Ça allait mieux. Je pensais que tu nous amenais du thé ce matin. Ben mais non. Je peux rentrer chez moi puis ramener du thé puis repartir avec la bûche. Le pire c'est que je me suis dit un matin, habituellement j'amène tout le temps mon chocolat chaud. Là je me dis bon, je l'amènerai pas parce que sinon lundi en fait ça fait comme double pipi, portion de liquide et puis c'est ça en fait le pipi s'enchaîne rapidement. Là, on s'entend que t'as des toilettes pas loin de ton bureau. Non, je sais mais tu sais je suis d'âge. Ouais. J'aime pas ça me lever. T'es un paresseux. On n'aime pas ça, les gens. Un vrai Mathieu Plante. Hey, wow, les étoiles de matin. Donc, non, pas de thé, mais par contre, du thé à l'intérieur d'une bûche. Parce que je t'avais suggéré un peu il y a quelques semaines. Hey, une bûche avec du thé, je serais bon. Oui. Et je t'ai jamais forcé. Je me rappelle pas de t'avoir forcé. Non. Mais tu le fais quand même, on l'apprécie. Oui. Et de toute façon, moi, j'aime bien relever les défis. Puis, oui, Gaston Lepage, là, surtout. Ça m'a fait plaisir. C'était-tu écœurant, ça? Je pense que lui connaît pas ça. Est-ce que tu connais ça un peu? Non. Non? Il faisait oui, mais non. Elle va voir ça sur YouTube. Il n'y en a pas tant que ça. Non, Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Les souvenirs, on dirait que les gens veulent que ça... Relever le défi. Ouais, okay. Ça disparaisse. Okay. C'est lancer des pneus, cracher des noyaux. Ben non, mais ouais, éplucher des pommes de terre en seulement un morceau. Là, des défis d'épée, là. Sérieusement, c'est comme... Mais c'est toi qui choisissais ton j'aime défi. Ça. Ouais. Mais c'est toi qui choisissais ton défi. Et si tu le réussissais. Tu gagnais pas, quoi de l'épicerie si tu gagnais, non? Ouais, genre, il y a un 2000$ chez Steinberg. Ouais. Oh. Puis t'avais une deuxième chance aussi si tu échouais ton défi. C'était avec une patère et des chapeaux, fallait que tu lances. Ok. Ah, perte de temps, mais c'est drôle, Ben oui, ça passe le temps de manière agréable. C'est ça. Écoute, on va poster ça sur Assemblage Rocky, un exemple. Oui, c'est ça. Pour les nombreux Français ou autres îles de la Réunion, Île de la Réunion, c'est ça, exact. Tu me connais, île de la Réunion. Non, je te connais plus maintenant. Non, c'est ça. Petit X avec tes doigts. Donc, Xavier, bûche au thé. Ouais. Donc, inspiré d'une charlotte tout à fait classique, en fin de compte. Une charlotte, c'est une superposition, dans le fond, dans un moule rond, incliné, dans le fond. Ça va faire comme quelque chose un petit peu dans ce style-là. Ça va faire comme un dôme avec toute la base faite avec des biscuits à la cuillère, autrement appelé des boudoirs aussi. Boudoir. Oui, pas le boudoir dans lequel on s'en va pour passer du temps. Et non, le boudoir, l'émission les lundis à 16h sur les ondes de Cifou. Hein? Pour ton promo. C'est bien des boudoirs, des biscuits à la cuillère. Dans le fond, qu'on trempe à la base dans du sirop, dans du jus ou dans n'importe quoi pour tapisser vraiment tout le tour du moule et ensuite faire des petits étages à l'intérieur avec ce qu'on veut. Okay. Donc, c'est vraiment ça à la base. Donc des petits biscuits village aujourd'hui. Trempés dans du joyeux lutin. Joyeux lutin, le thé. Le thé joyeux lutin. Le thé vert sencha japonais avec le mélange de pommes, canneberge, papaye et ananas à l'intérieur et noix de coco. Ok. Donc, notre thé de la collection des fêtes. Ouais. Avec à l'intérieur des canneberges réhydratées, donc des canneberges au rhum. Mm. Du rhum de chez moi en plus. Du vrai rhum? Du rhum de chez moi. Ah, quand même. Vous avez aussi de l'ananas confit à l'intérieur et vous avez une compote maison. Ok. Là, tu as fait vraiment attention en disant la liste des ingrédients parce que tu as dit les ananas et non des ananas. Oui. Hein? Ben, depuis que je suis au Québec, je dis des ananas et pas des ananas. Il y a une amélioration ici, certaine. Pourquoi avant, tu disais des ananas? Ben, en France, on parle d'ananas. C'est pas un ananas, c'est un ananas. Unanas en anglais, hein? Unanas. Pineapple. Oui, c'est ça. Unanas. Mais aussi, en plus, tu t'es amélioré. Please give me an unanas. Please, please, would you, please? Il y a aussi, wow. En France, on n'appelle pas ça des canneberges, on appelle ça des cranberries. Hey! Hein? Non, c'est vrai. Hey! Je sais pas la quoi, là. On se parle-tu des vraies affaires, matin? Ça dépend. Si on parle de termes totalement francophones, ouais. C'est juste que la canneberge n'est pas totalement populaire c'est en ça. France. C'est arrivé récemment, les canneberges. C'est ça. Donc peut-être que le terme de canneberge va un peu plus se populariser. Plus populaire. Parce que généralement, en France, quand on parle de canneberge, c'est plus dans le sens anglophone. Donc on parle de cranberry et là, on pense au groupe de rock. Au groupe de rock, les cranberries. Okay. Ouais. Qui revient bientôt en plus. Ah ouais? Vraiment... Non, je savais pas pour vrai. Ça. Ils hein? reviennent. Ouais. J'ai jamais vraiment entendu pire. Ça. Mais regardez ça, l'épicerie, il n'y en a plus des congelés. Hein? Ben, des canneberges. Des canneberges congelées. Ouais. C'est pas des canneberges. C'est bizarre. Mais pourquoi Je sais pas. Ah. Je sais pas. Eh ben. Comme ça. Mais c'est une belle anecdote quand même. On va prendre des canneberges séchées. Oui. Et dans le fond, on va les réhydrater un petit peu en les laissant dans du rhum ou dans n'importe quoi. Si moindrement vous ne buvez pas d'alcool ou quoi que ce soit, que vous voulez aucun contact avec l'alcool. Ouais. Aucun. Vous pouvez très bien le faire tremper dans. Pas dans l'eau parce que ça risque de perdre un petit peu le goût de la canneberge. Ouais, un peu. Mais dans du jus de canneberge, dans du cocktail de canneberge ou du jus de framboise. Jus de raisin peut-être. Oui, raisin canneberge, c'est exactement. Bon. Exactement. C'est ça. Mm-hmm. Donc, j'aime ça. Donc, une première photo déjà qui a été publiée. Est-ce que tu l'as mis sur le Facebook d'Assemblage Requis? Pas encore. Alors. Mais dans le fond, quand je me suis tagué pendant que je vous attendais pendant votre chronique CNX. Voilà, il y avait la première photo déjà. Ah, est-ce que t'as pris ça dehors, devant la fenêtre? Oui! Ah, c'est beau avec le logo et tout, c'est marketing à mort. Ouais. J'étais pas étudiant en communication pour rien. Ben non, c'est ça paraît. Wow. Donc voilà. Elle a l'air toute heureuse, la bûche en plus, on dirait qu'elle sourit. Est contente. Oui, oh. Oui, elle est comme ça dans son petit écran d'argent, et puis elle te sourit, elle fait que salut! Ok, je vais resharer ça sur la page Assemblage Requis, ça va être là dans 3 secondes. Ok, 2, 1. 1 et... Go! Ok, c'est bon, voilà. C'est partagé, c'est un assemblage. Super. Donc, comment préparer tout ça? Donc, j'ai vraiment préparé une compote maison, donc avec environ 6-7 pommes, des grosses pommes, coupées en petits morceaux. Quelle sorte de pomme? Ça dépend des goûts. Okay. Je dirais que certaines pommes vont fondre un petit peu plus vite. Ça va vraiment dépendre du degré d'acidité que vous voulez avoir dans les compotes. On prend pas de pommes vertes. On pourrait. Trop acide, non? J'ai envie de dire un petit peu trop acide. Ouais. Ok. Donc moi j'ai vraiment pris des pommes rouges. Je te dirais que moi je vais surtout selon les grosseurs. Mais je te dirais largeur c'est plus important que la longueur de la pomme, hein? Non, ça marche pas qu'une pomme vraiment ça. Non, pas vraiment. Non, c'est ça. Puis dans le fond c'est ça, j'ai vraiment coupé mes pommes en petits morceaux au micro-ondes pendant environ une petite dizaine de minutes environ. Avec 2 cuillères à soupe d'eau, avec environ 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre aussi. Vous pouvez ajouter n'importe quoi à l'intérieur. Vous pouvez mettre tout de suite des canneberges aussi si vous voulez pour faire des mélanges. Vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre, des morceaux de poire, des framboises, ce que vous voulez. Dans le fond, c'est vraiment comment faire une compote maison. Tu disais ceux qui sont mettre cassonade aussi ou c'est... On peut très bien aussi. Moi, j'avais mis du... dans le fond, du sucre classique. Blanc. Du sucre blanc, c'est ça. Puis c'est vrai que j'ai pas de cassonade chez moi, faudrait que je pense en avoir. C'est bon, hein? C'est attends, la cassonade en plus. Ou du miel des fois, ou du sirop d'érable, ça peut être. Exactement. Ou le petit nectar là, chez David Stee, là, même c'est bon, je préfère là. Ah, le nectar d'agave, ouais, le truc de cactus là. C'est bon. Le cactus sur la cave, moi. Oui, c'est ça. C'est vraiment très sucré. Ouais. Très bon. Et justement, ça peut remplacer le sucre pour les personnes qui seraient diabétiques. Ouais. Ah. Donc c'est ça. Donc dans le moule, on met une petite couche de biscuits qu'on va tremper rapidement. Dans... Oh, j'ai oublié quelque chose que j'avais mis dedans aussi. J'y viens. Et c'est ça. Donc, on trempe rapidement dans du joyeux lutin. On va mettre une couche sur tout le tour du moule et le fond, vraiment pour avoir une coque assez, assez stable. On rajoute. Big une... cock. Hein? Non, on ne regarde pas de même quand non, tu non. dis ça. C'est ça. Donc, on ajoute après ça une première couche de compote. On rajoute les canneberges réhydratées. On essaie d'enlever au maximum le. Dans le fond, le rhum dans lequel il a trempé pour éviter d'avoir trop de liquide à l'intérieur. Sinon, ça risque de trop mouiller le biscuit et dans le fond, ne pas faire tenir le gâteau. Après, je rajoute une couche de biscuit là que j'ai fait tremper dans du lait de coco. Oh. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'un noix de coco dans le joyeux lutin. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a dans le joyeux lutin se retrouve aussi à l'intérieur de mon donc, gâteau. C'est comme amplifier le joyeux lutin. Exactement. Ouais. Le lutin est encore plus joyeux. Voilà. Et encore plus gai le lutin. donc, encore une petite couche de compote. J'ai mis des morceaux de. Compote pas avec ta capote. Capote pas avec ta compote. Elle est vraiment bonne, ma capote. Compote. Hein? Ah! Hein? Désolé. On est en feu. On parle de quoi, là? On parle de compote, c'est quoi en capote? Ouais. Non, on parle d'une bûche de Noël avec du thé à l'intérieur, qui est joyeux lutin, donc pour ça qu'on en parle, on parle de joyeux lutin. C'est ça. On en parle, mais on y goûte pas. Non, c'est vous avez le droit d'y goûter pendant que je parle. Profitez que j'ai la bouche occupée justement pour la manger. Ah, ça va loin aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, après avoir fait la première couche, on rajoute les morceaux d'ananas confit. Encore une petite couche de compote. On rajoute encore une couche de biscuit. Pourquoi on rajoute du biscuit régulièrement? Pour vraiment que l'intérieur se tienne un minimum. S'il n'y avait que de la compote à l'intérieur, ce serait beaucoup trop mou et ça tomberait beaucoup trop facilement. On n'aime pas ça. Et c'est ça. Et puis, pour faire dans le fond, la dernière épaisseur, j'ai mélangé mon reste de compote de pommes avec des canneberges et de l'ananas pour faire une base encore plus épaisse en fin de compte et avec une quasiment double couche de biscuits pour vraiment faire un socle beaucoup plus solide. Et ça donne... Et c'est le genre de choses qu'on peut faire vraiment n'importe quand. Vous pouvez même c'est le mettre... C'est santé quand même, là. Le seul truc de gras qu'il y a... C'est vraiment le dessus, la crème fouettée. La crème fouettée, par exemple, petit bémol, c'est pas toi qui l'as faite. Ben si. Ah oh ouais, pour vrai? Je l'ai faite à matin, je me surveillais à 5h30 pour faire la crème fouettée, parfumée à la noix de coco avec quelques gouttes d'essence de noix de coco. Ok, je suis... Est-ce qu'elle a l'air tellement professionnelle, c'est pour ça, il n'y a pas encore goûté, mais elle a l'air professionnelle. Eh ben que, merci Mathieu. Il faut dire que j'ai ma poche chez moi, avec mon embout de la poche, et puis c'est ça, comme je squeeze la poche pour faire sortir la crème chantilly ou sur le bout de la poche, et puis donner des petites formes. Je suis pas à mon appétit à vue d'œil. Mais non! regarde ta tranche de bûche, puis tu vas même perdre l'appétit. Mm. Donc, je suis tellement un fan de compote de pommes. Ça vient, waouh! Et bien voilà. Mm. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de choses-là, on peut le faire avec n'importe quoi. Donc, si moindrement, on est en plein été, on peut très bien faire des charlottes glacées, ou au lieu de mettre de la compote, on peut très bien faire de la crème fouettée, donc on va laisser au congélateur par la suite et tout, avec des superpositions de fruits. Mes premières charlottes glacées, c'était avec des morceaux de pêche, d'abricots, avec de la crème fouettée. Et généralement, à chaque fois qu'on allait quelque part et qu'on ramenait de quoi, ben, c'était ma mère qui me disait « Oh, ben, prépare le dessert et puis fais ce que t'as le goût ». Et puis en plein été, ça se fait super bien. C'est juste qu'il faut s'assurer que ça reste un minimum dans le froid pour éviter que la crème tombe et tourne. Parce que la crème qui tourne, c'est pas agréable. Je suis plus capable d'arrêter en passant. C'est comme une bouchée, je suis plus capable. Il te reste encore quasiment deux tiers de la bûche, là. Puis, comme même d'habitude. Pas ça dans la face. Parce que, ouais. Tu prends tes idées où dans ta tête ou... Un petit peu dans le fond, c'est que là, j'ai des inspirations de base. Comme une certaine marque de produits qui vend des boîtes en plastique avec des couvercles hermétiques. Ziploc? Non. Tupperware? Tupperware! Ouais. C'est ça, t'es pas vendeur Tupperware? Non, oh, non, on me l'a déjà proposé, soit dit en passant. Et non? Mais, non, parce que j'étais mineur à l'époque, mais à chaque mineur? Fois. Mineur? Oui, j'étais. Ah, oh, mais non. Non, non, je travaillais pas dans des mines. Oh, oh, là. Ah, j'étais là, je trouvais ça bizarre. Il travaillait dans des mines et puis il faisait des présentations de Tupperware. Mm. Mais c'est vrai que c'était comme ça que la marque Tupperware est partie. Earl Tupper, dans le fond, s'en allait à la mine et puis sa femme a créé une boîte justement pour qu'il puisse ramener ses lunchs à la mine. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est pour ça qu'à la base, il n'y a comme que des boîtes. Ouais. Je le savais. Et puis c'est ça, bah, quand on recevait des réunions Tupperware chez mes parents, enfin ma mère surtout, bah, c'était tout en moi qui était en avant avec la présentatrice, puis je cuisinais avec elle. Puis dans le fond, la charlotte glacée, c'était quelque chose qui est parti comme ça, justement en démonstration d'un fouet manuel. Puis c'est comme ça, dans le fond, que j'ai commencé à faire mes premières crèmes fouettées aussi. Ça, c'était il y a quelque chose comme 7-8 ans environ. Et après, on peut vraiment agrémenter ça comme on veut. Mm-hmm. Comme mon souper de staff, dans le fond, je vais préparer deux bûches de Noël. Mm-hmm. Une comme celle-ci et la deuxième avec douceur, non pas douceur de Noël, avec le secret du Père Noël. Et à l'intérieur, ça va être de la mousse au chocolat et de la crème de menthe. Donc, est-ce que je vais rajouter des pépites de menthe à l'intérieur de la mousse au chocolat, ou est-ce que je vais mettre vraiment, enfin, préparer une deuxième mousse, une crème fouettée à la menthe? Je sais pas encore. Je les verrai bien mon inspiration de samedi. Les deux seraient parfaites de toute façon. C'est juste plate parce que vous allez pas goûter à celui-là. Bah, c'est ça, là, parce que là, je suis un petit peu jaloux. En même temps, j'ai adoré celle-là. C'était vraiment, tu sais, t'as mis la barre très, très, très, très haute. Là, c'est pas battable. C'est bon. Ben oui. Hein? Bon. Comme tout cheerleader qui se respecte, on est obligé de mettre la barre très haute. C'est ça. Oui, j'imagine. C'est au bas, start, select. C'est ça. Tu vois, mes affaires de cheerleader, ça marche pas. Ça. Peut-être qu'on pense à parler de tout ce qu'on peut donner pour gâter nos mondes. C'est vrai, c'est la troisième partie du guide cadeau pour gâter. C'est un jeu de mots avec le mot T, c'est ça? Ben oui. Non, dis pas gâton, c'est pas un jeu de mots. Non. Je vous ai ramené un petit quelque chose. Dans le fond, c'est ce que je compte offrir un petit peu à ma belle famille aussi, à certaines personnes de ma belle famille. C'est pas du thé. Non, c'est pas du thé, mais c'est inspiré de nos thés. Oh, ça c'est? C'est justement celui-ci, c'est une bougie à base de soya. Une chandelle, une bougie. Oui, d'accord. Une chandelle. Tu sais ce que tu mets? Que tu veux... Un chandelle? Oui. Je vais être franc avec toi. Je pense que j'aime pas ça. Ok, tu as le droit. Dans le fond, tu as vraiment le. Ben, dans le fond, on a 6 chandelles différentes, 6 saveurs différentes. Donc, c'est vraiment pour aller chercher, ben, pour les fans de certaines odeurs. Moi non plus, j'aime pas ça. Je te dirais que celui-là n'est pas mon préféré aussi. Mon préféré est quand même celui de chai au coco. Parce que dans le fond, cette chandelle-là se fait dans comme 6. C'est ça, en fait, c'est des chandelles qui se font à la ronde de certains thés que vous vendez. Exactement. Donc, dans les senteurs, on a houlong à la vanille. Donc, ça sent la vanille. On a chai pur. Donc, ça va sentir un petit peu le mélange de cannelle, clou de girofle, cardamome. Glitter and gold en anglais, briller des mille feux en français. Qui, dans le fond, quand la cire fond, on voit vraiment des étincelles à l'intérieur. Ah, comme le thé quand il infuse. Parce que dans le fond, il y a des cristaux à l'intérieur de briller des mille feux. C'est et pendant génère. Que ça infuse, tu vois comme s'il y avait des petites particules qui brillaient à l'intérieur. Ah ça, j'adore ça. Je te crois pas du beau. Tout. En même temps, tu sais, pour Tu viendras au magasin, je te montrerai ça. Parce qu'on trouvait l'odeur peut-être un petit peu intense, mais ça, c'est juste quand tu sens la chandelle dans ta face. C'est ça. Une fois que la chandelle est allumée, ça doit être assez... Ça doit sentir. Ça. On s'entend qu'on va pas mettre ça dans une petite pièce, là. Genre, on va pas laisser la chandelle allumée toute la nuit dans le studio ici. Non. Le lendemain, tu arrives, tu fais vraiment, mon Dieu. 3 mètres cubes, là, c'est... Oui, on évite. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, briller de mille feux. On a aussi Honeybee, qui s'appelle rayon de miel en français. Donc, ah, c'est bon, j'ai goûté hier à ce rayon de miel-là, moi. Après le souper, glou-glou, c'était bon. T'as réussi à dormir après ça? Ah, moi, on dirait que ceux que tu m'ont dit qui étaient pour dormir, puis d'autres qui dorment pour pas dormir, on dirait que ça... C'est mental. C'est mental, je pense, parce que vu que je savais pas et que j'ai pas lu le petit papier avant de le boire, je me suis pas rendu compte de ça et j'ai... Très bien dormi. Ben j'ai en forme, c'est vrai. Ça veut dire que la matéine n'a pas vraiment d'effet sur toi. Ah, peut-être. Possible. Peut-être, mais il faudrait l'essayer plus intensément. Peut-être, okay. Peut-être que j'ai pas bu toute la tasse parce que mon lit devient froid. En parlant de tasse, je vous reviens sur les tasses un peu plus tard aussi. Ah, ok. Donc je vous parlerai de certaines tasses aussi. Mm-hmm. Donc après, justement, notre réunion de miel, on a chai au coco, le rooibos sans théine, sans caféine, cannelle, clou de girofle, cardamome, noix de coco et celui que vous venez de sentir, noix magique. Les noix magiques. Mais ben, noix magiques, il y a beaucoup de ça sortes. Pue. Ça pue pas. Ben, c'est ça qu'on a senti. Ben, moi, je trouvais qu'il y a une odeur de. Moi, ça fait penser à de la pâte à modeler, mais en même temps, tu sais, c'est pas. Ben, c'est probablement la cire de soya. Ah, peut-être la cire de soya. Possible. Hein? Je dis pas n'importe quoi. Très possible. Ouais. Puis, dans le fond, ces bougies-là sont vraiment disponibles dans les magasins. aussi, bah, aussi disponible sur le web. Donc, on n'hésite pas sur le web. On n'oublie pas aussi les petits thés exclusifs au web. Oui. Et tous les avantages de magasiner sur le web, d'avoir plein de choses qui ne sont plus nécessairement en boutique, des trucs exactement. Comme ça. Exactement. C'est parfait. T'sais. Pour Noël. Hein? Oui. Hein? Surtout, n'hésitez pas à faire des... surtout qu'il y a des super belles boîtes aussi, deux cadeaux spéciales. Bah, pas spéciales Noël, mais les boîtes cadeaux. Ouais. Ce sont des boîtes rigides, bleu turquoise, argentées aussi. Et j'en ai vu une, j'en ai travaillé avec une aussi, puis elle est juste... Tu as travaillé avec une boîte? Ben, dans le fond, j'ai eu à travailler avec une boîte. Genre, okay. On faisait des discussions. Bon, des fois, c'était long aussi pour travailler sur les dossiers avec la boîte. Ouais. Mais tu ça disais, hey, ta boîte. Ouais, ferme ton couvert. Genre. Ferme ton couvert. Puis, je continue un petit peu dans les idées cadeaux. Oui, en parlant de tasses, vous connaissez la tasse parfaite. Ben, je la vois sur le site davidstee.com en ce moment et elle est donc belle. Hein, Et la tasse parfaite est devenue... on a maintenant une version géante de la tasse parfaite. Ben oui, avec des beaux dessins dessus, toi. Exactement. Donc, on a deux couleurs disponibles. Une grise avec des dessins argentés dessus et une autre bleue. C'est dans le fond des formats 16-11 alors que les anciennes faisaient 15-11. Donc, elles sont vraiment plus hautes. Ouais, c'est plus haute, mais plus elles n'ont pas la même largeur, c'est quoi? Elles sont aussi un petit peu plus larges. Okay. Parce que sinon, un once, c'est pas tant gros. Là, c'est ça. Mais quand je les ai vus arriver en magasin, je fais comme « Wow, elles sont vraiment énormes. » Je fais comme « Wow, c'est vraiment énorme. » Ouais, t'aimes ça, cette surprise-là, cet effet de surprise-là? « Wow, c'est gros. » Hein, c'est ça. Je savais qu'elle allait être plus grande, mais je savais pas qu'elle allait être aussi grosse que ça. C'est ça, t'as du poids comme... là-dedans, tu passes dans ta main, c'est comme « Oh, c'est lourd ». Vraiment. Non, mais honnêtement, la tasse est vraiment lourde. Ouais. Tu sens la différence entre la nouvelle et les... Ben, pas l'ancienne, là, mais la nouvelle grande et la petite. On a aussi des... Ben, les bougies, c'est à fait. Les nouvelles tasses Asian Style. Comment? Asian Style. Asian Style, c'est l'asiatique genre... Exactement. Full, ouais. Et dans le fond, ce sont comme des tasses un petit peu... Ben, de la même hauteur que les tasses normales parfaites, sauf que tu n'as pas de poignée pour la tenir. En plein milieu, dans le fond, elle est légèrement incurvée avec, dans le fond, un revêtement antidérapant. Oui. Pas antiadhésif, waouh là. Ça colle pas sur ta main, tu l'échappes à chaque fois que t'as. C'est ça. Je bois plus de thé parce que ma tasse m'échappe à chaque fois. Mais mes pieds aiment beaucoup la saveur. Oui, puis la céramique aussi. C'est ça. Et ben, comme toute tasse parfaite chez Davidstee qui se respecte, on a aussi un infuseur à l'intérieur et le couvercle. Donc ça permet aussi. C'est ce qui fait qu'elle est parfaite. Là. Exactement. Oui. Donc c'est vraiment un petit cadeau assez parfait. Et la tasse Asian Style qui est à 19,50 comme la tasse parfaite. On a aussi des nouvelles boîtes de dégustation. Qui sont arrivés il y a une semaine et demie environ, avec 9 thés à l'intérieur. Et là, ce sont des. Par échantillon de thé, on a quasiment des 40 grammes. T'es pas sérieux? Ah, je suis très sérieux. Je voulais plugger ça là, depuis tant. Bah, François l'a déjà fait en début de. Ah, pour vrai, ouais. Ah, ça va être mauvais dans ce sens-là, mais. Hein? Oh, copieur. Moi, je dis non au plagiat, non au plagiat. Non au plagiat, comme sur toutes les pancartes dans l'université, ça? Non. Donc c'est ça, donc c'est vraiment ces trois thèmes, ces boîtes de dégustation là. Donc juste pour vous donner le prix, elle est quand même à 59,50. Quand même. Si, quand même. Les boîtes sont vraiment huge, elles sont vraiment larges de même. Et parce que ce sont de gros échantillons. C'est donc, ça, et c'est vraiment des 40 grammes. Tu as 9 thés à l'intérieur, des 40 grammes à chaque fois environ, sous trois thèmes. Donc tu as une collection totalement biologique. Une collection, je vais pas dire santé, mais vraiment avec certains bienfaits, vraiment pour redonner un petit coup de boost au système immunitaire, etc. Et aussi une collection tisane sans théine, sans caféine. Mm-hmm. Donc biologique. Ça, ça tisane, peut être bien, ça. Exactement. Et puis c'est une boîte grise foncée, petit peu comme la boîte collection des fêtes, etc. que je vous montrais. Sauf que là, ça va vraiment s'ouvrir sur le dessus, avec justement le petit collier autour pour fermer un petit peu la boîte. Mm-hmm. Et ça reste vraiment dans le même style de cadeau, de boîte qui se présente très bien. On a quasiment juste à rajouter un nœud sur le dessus et on peut l'offrir. Superbe. Formidable. Superbe. Est-ce que vous auriez d'autres questions à me poser aujourd'hui? Non, mais t'es là la semaine prochaine. Oui, je suis là la semaine prochaine et puis je vous réserve une petite surprise à vous deux aussi. Mais okay. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir du thé? Bah, je pense que là, Ok, je ramènerai une tasse de thé. Une tasse de thé. Vous avez le goût de quoi pour la semaine prochaine? Tu veux quoi? Si. Vous avez le goût de quoi? Une autre saveur hivernale ou de Noël? Toi? De toi? À saveur de toi? À saveur de moi? On a le goût de te voir la semaine prochaine. Ok, ben je reviendrai la semaine prochaine, puis... Ouais, Surpris. OK. Ouais. Ça remènerait de quoi? On va réfléchir. C'est à peine si à la radio, on ne voit pas la bulle qui se pose en dessous. Mais en même temps, Joyeux Lutin, vous y avez déjà goûté. Ouais. Douceur de Noël aussi. Tu avais eu ton latte Douceur de Noël la dernière fois. Ouais, j'avais goûté à quelque chose là, du genre. Là. Je me rappelle pas exactement du... C'était Douceur de Noël en latte, justement. En latte, ouais, justement, exact. En chocolat et orange. C'était excellent, là, soit dit en passant. Je t'avais amené le... Ah, là, j'ai le site en anglais, c'est tout bizarre. Mais tu peux cliquer sur le truc que French. Hein? Ah, c'est ça, puis ça change la page, ah, wow. Délices des Pentes, est-ce que tu nous l'as fait goûter? Délices des Pentes fait partie de la collection hiver, puis je pourrais très bien vous le ramener la semaine prochaine. J'ai ma boîte collection hiver chez moi, puis je pourrais vous ramener ça. C'est bon. Donc, merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine, dernière chronique de la session. Merci beaucoup. Et on peut, parce qu'on avait laissé tomber quelques indices là, avec le temps que tu ne reviendrais pas en janvier. Je pense qu'on avait annoncé des affaires comme ça. Je pense que c'était des mensonges, pas mal. Ouais. J'espère, en tout cas, j'espère. J'aime ça ramener des petites surprises de même. On te met de la pression. Donc, merci. À la semaine prochaine, lundi à 8h. Dans quelques minutes, il y aura la chronique sport avec Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. On va parler de boxe aussi, je pense qu'il y a eu de la boxe. Tu m'en apprends les choses. Ouais. Avec Mikhaïl Zouski. Hein? Zouski? Ben, boxe, Mikhaïl Zouski. Zouski? Moi, j'entends boxe et puis je pense Mikhaïl Zouski tout de suite. Non, ça se petit trifluvien. Ça, tu me parles de boîte de boxe, je te dis, ferme ta boîte. Non? Non? Tantôt, tu parlais avec une boîte, là. Oui. T'as une discussion avec moi. Quand tu me prends pour hanté, tu veux me mettre dans une boîte? C'est ça. Ouais. T'es pas game. Oh, il y a trop fois drôle. En tout cas. Delaware Chuck, poche pleine d'or. De l'UQTR. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, Assemblage requis, oui, c'est vrai. Jusqu'à 9h. Oui, puis il nous reste la bûche. Ben oui. Mais je pense qu'on n'est pas faim parce qu'ils viennent déjeuner, c'est ça? Mettons que qu'est-ce que tu as mangé comme déjeuner, mettons? J'ai mangé des céréales. OK, ça? Avec des petits fruits. Des Chex, hein? Ça, des Chex. Des Cheerios. Céréales Chex. Des Cheerios. Cheerios. Mais Multigrain santé. Formidable. Rien de trop beau pour un journaliste au sport, à l'écho de Trois-Rivières. Il n'y a rien de trop beau pour la bourgeoisie, hein? Le rapport étant, voici la chronique de sport avec Nicolas Duchamp. Ah, Alors, toujours avec des liens douteux, je vous souhaite bon matin, messieurs. Il n'y en a pas de bon matin. On essaye. Comment ça va? Aucun bridge. Hein? Aucun pont, là. Oui, bridge, ouais, il y a des bonbons, je pense, du bridge. Il faut acheter des mélanges de noix et de chocolat, je pense. Le jeu de cartes. Le jeu de cartes aussi. Ah, bridge. Le jeu de cartes, ouais. On est bilingue ce matin. Bilingual, assemblage requis. Alors, comme je disais, bon matin, messieurs. Content de vous voir ce matin. Oui, nous aussi, très heureux. Ouais, petit lundi. Mm-hmm. Gros lundi. Gros lundi. Hein? Pas pu vous écouter, là, mais je dormais. Fait que... Non, je me fais nous chier. Même le chroniqueur, j'écoute pas. Non, c'est plus que je finissais ma chronique à moi, donc ce matin. Qui est excellent maintenant, on le sait d'avance, là, c'est toujours bon, hein, ça? Ben non, pas nécessairement. Il y en non, a c'est eu, vrai. Il y en j'essaie a de te complimenter. Hey, alors, on y va tout de suite, messieurs, parce que c'est quand même un gros week-end de sport. C'était un gros week-end de sport. Je suis content que Xavier a fini plus de bonheur que d'habitude en plus, donc merci, mon Xavier. Hey, j'y vais tout de suite avec les Cataractes. Deux victoires cette fin de semaine, deux blanchissages pour les Cats. Des victoires de 3-0 contre les Voltigeurs de Drummondville. C'était vendredi et le surlendemain, dimanche, contre l'Océanique à Rimouski, victoire de 5-0 des Cats. Donc, félicitations à tout ce qui est brigade défensive du côté des Shawiganais. C'est des vrais Crest White Strips avec autant de blanchissage que ça, ça. OK, oui. OK, des Crest White Strips. Okay. Ouais, moi aussi, j'avais pas. Ben, de la façon que ça a sorti, c'était pas. On aurait dit des chips. Ouais. Chris Chip Cheer. comme je disais, donc vendredi, c'est une victoire d'Alex Dubois. Donc, parce qu'on sait qu'il y a une petite guerre au niveau gardien de but du côté de Shawinigan. Et Gabriel Girard, d'ailleurs, que je comprends toujours pas ce qu'Éric Veilleux fait. J'ai l'impression qu'on essaie de vendre Gabriel Girard pour le temps des fêtes. On essaie de montrer ce qu'il est capable de faire. Mais elle a connu une très mauvaise sortie contre Bécomo mardi dernier. Et bon, on a mis Dubois devant les filets. Je m'attendais à voir Dubois avec un blanchissage. Est-ce qu'on s'entend que normalement, tu prends le lead? Non, tout à fait. Un entraîneur va pas venir enlever le poste de partant, là, celui qui vient de faire le blanchissage. Ouais. Mais là, on a ramené Girard. C'était dimanche et force est d'admettre que félicitations, Gabriel. Très bien performé là-dessus. Donc, au niveau du classement dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, les Cataractes sont toujours quatrième avec 48 points devant eux. Bon, l'Armada de Blainville-Beaubriand qui en a 38, donc 10 de moins, mais on connaît le règlement au niveau des divisions, alors c'est pourquoi ils sont premiers. Ils sont devancés par les Remparts et les Sea Dogs de St. John's. D'ailleurs, les Remparts là, vont tomber premiers dans pas très long. Ça va quand même bien pour les Remparts. Hein. Préparez-vous, la date des transactions approche à grands pas. C'est le 19, si je me trompe pas. Là. 19 décembre? Ben, je crois que c'est le 19 décembre. Là. C'est sous toute réserve. Moi, juste avant, ça rend pas. Ça rend pas. Alors, comme je disais... Ah. T'es bonne, celle-là. Non, t'es pas bonne. Ben là. Non. Comment? Tu devrais avoir droit à un screen test sur toutes tes jokes. Passer par un comité d'approbation des blagues dans son comité, je pense que le CA, c'est fou. Je pense qu'il pense déjà, sûrement. Ouais. Le CA, c'est fou, devrait se réunir à tous les matins juste pour valider tes blagues, ouais. Mathieu. Mais non, je pense pas non plus. Là, très sérieusement. Mais ce qui est intéressant là, du côté des Remparts, c'est qu'on va faire face à un gros défi. On a présentement une équipe qui est deuxième, mais c'est pas vrai. Ils ont trois matchs de moins de jouer que les Sea Dogs. Donc, les Remparts occupent le premier rang. Tout fait prêt, devrait au moins remporter un de ces trois matchs-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait du côté des Remparts là? Est-ce qu'on y va? On a une équipe qui est très jeune et qui est capable de gagner pendant les deux prochaines années minimum. Le problème, c'est que l'an prochain, on n'aura probablement pas Mikhail Grigorenko, qui devrait être un des premiers choix là, au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Donc, on devrait le voir monter vers les grandes sphères du sport. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment le dilemme dans lequel Patrick Roy va être plongé dans les prochains jours. Mais ils vont faire ça. Hein? Comment? Ils vont faire ça. Ça. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis... C'est que dans la Ligue d'Hockey Junior Majeure du Québec, on a deux choix à Noël. Hein? Soit on vend, soit on achète. Très rare le statu quo. Très rare le statu quo. Soit je suis dans le top 6 de la Ligue, top 7. J'achète des joueurs, je vais chercher des joueurs pour me renforcer, pour arriver en série, meilleure équipe. Où on vend. Dans le cas de Patrick Roy, il est quand même capable de vendre. Ça dépend de ce qu'il va décider de faire. Est-ce qu'il croit que son équipe est capable de vendre? Je comprends pas pourquoi il vendrait. Parce qu'il y a une équipe extrêmement jeune. Donc, s'il veut acheter, il va falloir qu'il donne des jeunes. D'accord? Ouais. On va aller chercher un des meilleurs. Mais l'équipe va bien. L'équipe va bien, c'est vrai. On voyait pas les Remparts là en début de saison. C'est ça la différence. On ne voyait absolument pas les Remparts là. Forcément, c'est de noter que présentement, ils sont là. Mais quand l'équipe va bien, à la limite, tu touches à rien. Ouais, mais les autres vont toucher. Tu comprends? Mais, les Sea Dogs de St. John's vont aller chercher un ou deux joueurs. Les Cataractes vont aller chercher un ou deux joueurs. Les Tigres de Victoriaville, même chose. Donc tout le monde se renforce. Toi, tu fais quoi? Je comprends ton point de vue. Avec une équipe jeune comme ça, ça fera pas de mal un ou deux vétérans. Parce que Adam Hearn, les Grigorenko, il y en a plein là, du côté de l'équipe. L'équipe des remparts, là, présentement, là, c'est une force qui va être puissante l'an prochain. La seule question, c'est qu'est-ce que ça va donner. Donc, on a le choix. Est-ce qu'on vend un Mikael Tam? Est-ce qu'on garde un Mikael Tam? Ça va être intéressant de voir, là, mais... Je vois mal, personnellement. Il y a Louis Domingue aussi là, dans les filets. Quoique Domingue n'est pas le meilleur gardien sur la planète. Là. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des remparts? Ça va être à suivre là, dans les prochains jours. Mais je te dirais que parfois, une patate chaude entre les mains. Mais bon, s'il a très confiance en son équipe, il est peut-être capable de... Il va peut-être se dire, gars, on continue comme ça. Peut-être le statu quo. Peut-être, toi. Hein? Patrick Roy a déjà fait le statu quo. Il s'était pas rendu jusqu'au but, par contre. Il avait été éliminé par les Cataractes de Shawinigan. Oh, le maudit Cataract. Ah, les Cataractes, hein. C'était en. Je sais de me souvenir. C'était. En 95. Non. Non, ça fait pas si longtemps que ça. C'était en 2009, si je me trompe pas. Ouais, je pense que oui. L'année de la défaite contre les Voltigeurs de Drummondville en finale de la Coupe du Président. Moi, ouais, il me semble que c'est ça. On change de registre. Même sport, autre ligue, Caron et Guy de Trois-Rivières. Ça va bien? Ça va bien. 3 points sur 4 en fin de semaine. Donc, une victoire ici contre Ted Fairminds vendredi. Et c'était une série aller-retour contre Ted Fairminds encore hier. Une défaite de 7-6 en prolongation. Par contre, en fusillade, devrais-je dire. Par contre, on menait 5-3 dans ce match-là. Donc, on s'est fait remonter. Comme le Canadien... Comme le Canadien, oui, entre autres. Là. Mais un match en deux temps, vraiment. J'ai discuté avec Carl Fleury hier, l'entraîneur du club, et il me disait, bon, ben écoute, on est tellement... On manque de joueurs là, du côté. On a commencé le match avec un joueur de moins à l'attaque. Donc, okay. Au lieu de 19 joueurs, on en avait 18. Ça, c'est le portier, là, tu parles? Là. Le portier... Qui manque à l'appel? Là. En fait, j'ai vu ça dans un de tes articles, ça se peut-tu? Ah oui, oui, ok, oui. C'est ça exactement, je m'en venais là-dessus. Et on a perdu Julien Ellis dans le match, qui est le meilleur gardien de but de la Ligue nord-américaine de hockey. Blessure au bas du corps, donc dans le cas d'Ellis, on parle d'une absence 3 semaines, 1 mois minimum. Ça va faire très mal au Caron Aigué. Donc ça s'est déroulé hier, puis c'est une des raisons. Le Caron Aigué menait quand même 6-4 au début de la troisième lorsque Ellis est tombé au combat. Danny Dallaire embarque dans le match, mais... On le sait, là, t'es froid. C'est pas ce qui va donner le résultat. Donc, on s'est incliné. Tout de même, au niveau du classement, écoute, dans la Ligue nord-américaine de hockey, ce qui est important, c'est que après, on joue dans la saison, on va jouer 48 matchs. Il y a un championnat de mi-saison. Je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué. Non, okay. Je pense pas. Championnat de mi-saison, donc l'équipe qui va être première après le 28 décembre, c'est assuré de faire les séries. Assuré de faire les séries, exactement. Donc, c'est très important présentement parce qu'après ça, tu peux donner des breaks, tu peux être plus relax. Tu peux botcher. Faut pas que tu botches, mais oui. Pas autant de forcer, mettons. T'as pas de tort. Ben, tu peux donner des congés, tu peux essayer. À tes meilleurs gars, se reposer. Oui, je suis assuré d'être dans les séries. Éviter les blessures, peut-être. Exactement. Au niveau du classement de la Ligue américaine de hockey, c'est extrêmement serré. Présentement, 2 équipes à égalité avec 20 matchs de jouer avec 25 points. Caron et Guy est 3e avec 23 points. Donc, un match en main. Tout est faisable. Un match en main. Donc, on pourrait être à 25 points avec. Égalité avec les deux autres équipes. Mais pour ça, là, ça va prendre des renforts parce que là, on vient de perdre un très, très gros morceau. Je doute des succès du club Saint-Julien et Lys. Je suis un peu inquiet, messieurs, là-dessus. Tu pourrais y aller, toi? Pas à tout. J'ai pas de genoux, j'ai genoux fini. Genoux fini. Allez, on parle football. Football, c'est ce qui se passe. 3 matchs là, que j'ai remarqué hier, entre autres, on a eu droit à du sacré bon football hier. Je sais pas. Sacré bon football. Je suis pas porté à écouter ça. T'es pas un gars de foot. Ben, je sais pas. Connais-tu le foot? Plus ou moins. Est-ce que tu t'es déjà assis à analyser une game de foot? À part le Super Bowl, c'est parce que t'avais de la bière et des chips. Oh, ouais, non, ça c'est sûr que ça fait partie des exceptions. Classique. Mais sinon, j'ai joué à des jeux vidéo une très bonne chose pour comprendre le football. Très bonne chose. Mais tu sais, sans plus. Très bonne chose. Même je te recommanderais, si les gens qui écoutent, qui ont le goût de jouer à un jeu de football, lâchez Madden, c'est pas bon Madden. Non? C'est très faible comme jeu. Pourquoi? Essayez NCAA football. C'est du football collégial. Mais c'est fait par la même compagnie? C'est fait par EA Sports, mais c'est pas les mêmes... C'est les gens qui l'ont fait. C'est ça, exactement. C'est plusieurs branches dans les compagnies. J'ai rejoint Mathieu. Et voilà, j'ai rejoint Mathieu. Au même titre que ceux qui font NHL font pas Madden. Bon, ouais. Tu sais, tu me suis. Ouais, je comprends. Et c'est un excellent jeu de football si tu veux apprendre. Mais c'est le fun, le football. À jouer, c'est. Très le fun à jouer. Ouais, ouais. C'est très stratégique. Mais là, hier, des excellents matchs. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, j'en parle parce que c'est l'équipe qui est forcément la plus proche du Québec. Ils portent le même nom que les Patriots de l'UQTR, en plus. Oui, aussi, on peut y aller avec ça, sans le E à la fin. C'est Tom Brady, toujours excellent. Bon, hier, c'était un petit peu plus difficile, Tom Brady. C'est une bonne engueulade avec son coordonnateur offensif. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Ah ouais. Sur caméra? Sur caméra, on a été obligé de les séparer. Parce t'es-tu que, sérieux? Ben, Tom, tu sais, Tom et Jizzle... J'ai un tambouillé. Tom, Jizzle Butchin, je veux pas un moment donné... Jizzle Butchin, c'est la top modèle, ça? C'est la top modèle. OK, ça va pas bien, tu deux. Tu me rejoins beaucoup aujourd'hui. Je sais pas si ça va bien ou ça va pas bien, mais je veux dire, Tom... Beau bonhomme, succès, pas mal. Il réussit bien dans toutes les sphères de sa vie. C'est ça, le All American Dream, la belle copine, tout ça. Un peu comme le Nicolas Ducharme. Ok, hey boy. Comparatif. Ben oui, mais. À l'échelle. À l'échelle, j'aime le thème. Merci Mathieu. La très petite échelle. Alors, non, mais on est confiants du côté de Tom Brady et c'est rare qu'on lance des interceptions. Et dernièrement, là, dans les 11 derniers matchs, on a un petit peu plus de difficultés du côté de Tom. Parce que quoi? Parce que justement, il écoute son coordonnateur non, ou il l'écoute pas? Peut-être trop confiant, peut-être juste joue un petit peu mal. Ça un reste relatif peu. Du côté de Brady. Un petit peu mal pour Tom Brady, c'est très bien pour beaucoup de joueurs. Ouais. Très, très bien. Je serais bien content de jouer un petit peu mal. Oui, moi aussi. Avec le salaire qu'il fait, moi tout, j'aimerais jouer un petit peu mal. Alors, une victoire de 34-27 hier des Pats contre les Redskins de Washington. Ouais, ils ont gagné quand même. Ils ont gagné, mais ça aurait dû être une dégelée. Ça n'a pas été une dégelée, c'était beaucoup plus serré. Une victoire, c'est une victoire. Une victoire, c'est une victoire. Et il s'est amusé hier avec son tight end, son demi-inséré, Rob Gronkowski. Qui a établi un record national de football pour le plus de touchés pour un tight end. Tight end, c'est le gars qui est. Il est où, lui? Tight end, sur la ligne offensive, là, c'est le receveur de passe qui est capable de jouer sa ligne offensive à peu près. Donc, souvent, va faire des blocs, puis va faire. Il est quand même gros. Il est pas petit. Il est pas petit. Mais c'est. Il court pas, c'est pas le plus rapide. Sauf que c'est le moule parfait pour Tom Brady, qui est un spécialiste de la petite passe. C'est un moule parfait aussi pour. Bill Belichick, qui est justement dans son carnet de jeu, c'est de la petite passe, la passe de 8 verges, la passe de 6 verges, qui peut donner un premier essai au bout de deux ou qu'on gagne des verges juste ça enlève un peu au spectacle, ça. Moi, ce que j'aime au football, c'est la grosse bombe. La fameuse bombe, mais quand même, là. Non, c'est sûr qu'on peut pas en avoir faut à leur toutes donner, les bases, ouais. Ça marche. Non, ça marche ça, bien. Non, c'est ça, exactement. Le but du jeu, c'est ça. Change de match, les Broncos de Denver, Tim Tebow, l'amant de... un beau petit nom. L'amoureux de Dieu. Je vous niaise pas. Vous connaissez-vous Tim Tebow un peu? Non. Okay. Tim l'amoureux Tebow, de Dieu, c'est bizarre. Tim Tebow, là, son père est un missionnaire. Ses parents sont missionnaires. Il vient d'une famille extrêmement chrétienne. Tim est arrivé des Gators de la Floride. Là-bas, a tout gagné avec les Gators. Connu, c'est une légende du côté des Gators. Il est arrivé dans la Ligue nationale de football l'an dernier. A vu un petit peu de jeu. Cette année... Les Broncos, cette année, les Broncos, ça allait pas bien. C'était pas lui le carrière partant. Et on a décidé finalement de faire confiance à Tim Jesus Tebow. Le problème avec Tim Tebow, c'est qu'il n'y a pas de bras. Okay. Hein, pas de bras. Okay. Pas littéralement. Ça part mal. Non, pas littéralement. Okay. Tim Tebow, c'est pas un carrière, c'est pas un bon passeur. Tout simplement, dans la Ligue nationale de football, à la vitesse que les joueurs arrivent, c'est important d'avoir une dégaine extrêmement rapide. Oh ouais, c'est ça. Parce que les gars, ils s'en viennent. Tim Tebow, faut qu'il craigne par en arrière. Faut vraiment qu'il y ait une motion qui est extrêmement lente pour un carrière de la NFL. Mais est capable de bouger, est un carrière qui est mobile. Et là, depuis qu'il est là... Ça gagne. 7 victoires, une défaite pour les Broncos. Mais l'autre chose, c'est que Tim Tebow, après le match, après chaque match, après chaque beau jeu... On va prier. Se met un genou à terre, il fait du Tebowing, qu'on appelle. Ah, OK. Ça dit quelque chose, là? Le terme, peut-être, mais c'est quelque chose. T'as vu passer sur Twitter? Ouais, peut-être. Écrivez Tebowing sur Twitter, sur Google, là, vous allez trouver un genou à terre, la tête sur le point, et remercie Dieu. Après le match hier, encore une fois, les Broncos sont remontés au dernier quart. Restait 2 minutes, un touché, restait 4 secondes, un placement, on s'en va en prolongation, un autre placement. D'ailleurs, le premier placement là, du botteur, là, Matt Prater's 59 verges. Et loin. Donc, Tim Tebow, remercie Dieu. Première chose, j'aimerais remercier Dieu. Mm-hmm. Il remercie tout à Dieu. Moi, je me dis, hey Dieu, là. T'as-tu juste ça à faire d'écouter le football le dimanche? Peut-être. Tu sais, il y a d'autres choses qui se passent à la planète. Il doit pas faire comme genre. Ouais, ouais, ben ouais. Pense à tondeuse, fais quelque chose. Tu sais, attends une minute, t'as vite. Chérie, arrête Tim et sa TV, là. Il a besoin de mon aide, là. Fait que. Présentement, c'est un peu le gag là, dans la Ligue nationale de football. Mais ça fait de bien avec les Américains. Ben oui, c'est ça. Non, c'est trop. Même les Américains, ils ont tanné. C'est, oh, c'est ça, c'est too much. Là. Okay. Quand c'est too much pour les Américains, il y a un problème. C'est un athlète. C'est correct là, que tu es content, que tu gagnes le Super Bowl. Tu remercies Dieu. Même partout, aux Oscars, ils vont te remercier Dieu, mais ça va être de passage. Ils vont pas tout centré sur... Il est tout le temps à genoux. Il est tout le temps en train de... Hey, parle de ta genou. J'ai un fait intéressant sur Tim Tebow. Vas-y. Je sais que c'est pas la chronique, c'est un fait, mais tu vas adorer ça. En fait, t'aimeras pas ça. La sœur de Tim Tebow. Okay, la sœur de Tim Tebow. Oui. A marié Gannon Shepherd, qui est un ancien lineman à défense de 315 livres et 6 pieds 8. De Duke University, qui a brièvement joué pour les Jaguars. C'était dans ma liste de faits aujourd'hui que je n'allais pas faire parce que je trouve ça plate. T'es-tu sérieux? Oui, je te jure. On se rejoint. Quel hasard aujourd'hui. Hey boy. Et troisième match hier, un beau duel entre les Giants et les Cowboys de Dallas. Cowboys qui se sont encore effondrés, restaient dans les dernières secondes du match. On tentait un placement pour égaler la rencontre. Ça fait longtemps que ça va pas bien pour les Cowboys. Eh hey boy, le club de Jerry Jones, ça a de la misère. Mais il y a un beau stade, par exemple. Ah ouais. Il est plein. Tente un placement, et à la dernière seconde, l'entraîneur des Giants appelle un timeout, un temps d'arrêt. Ce qui, en termes de football, gèle le kicker. Parce qu'en plus, il a tellement appelé son timeout à la dernière seconde que le botteur a eu le temps de faire un botté. Ils ont comme sifflé. Mais le jeu a été mis en jeu, je sais pas si tu me suis. OK. Le football a été remis en jeu. Donc, il y a eu le temps de botter, mais... Il a fallu recommencer. Et le deuxième botté a été bloqué. Donc, Stop, it's summertime. Mais très bon comme match, très bon. On a eu une bonne fin de semaine de football. On est gâtés. Et là, suivez ça, les bowls commencent au football collégial américain. Rose Bowl. Les Rose Bowl, les Orange Bowl, les Cotton Bowl, les New Orleans Bowl, les multiples commanditaires bowl. C'est le tout ce qui est football, bon, il y a à peu près 120 équipes au football collégial américain. La moitié vont prendre part à des bowls. Donc, tu as fini troisième dans ta conférence. Tu affrontes une équipe qui a fini, mettons, deuxième, quatrième ou troisième dans une autre conférence. Ça va mener jusqu'au championnat national qui va être disputé début janvier, là, dans les environs du 8 janvier, dans ces dates-là. Donc, tout le temps du bon football. Ça vaut la peine. Puis tantôt, je parlais d'NCAA football, le jeu. Si vous voulez vous familiariser avec ça, c'est un excellent moyen. Et là, ce qui est le fun cette année, c'est qu'avec si vous avez le type d'abonnement sportif que j'ai sur ma télé, les TSN2, les RDS2, les scores, tous les matchs à peu près de bowl vont être diffusés à la télé. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les amateurs. Et on parle boxe! On parle d'un amant de Dieu à un autre amant de Dieu, Joachim Alcine, qui a remporté son combat contre David Lemieux. Personne ne donnait une chance à Joachim Alcine. Ma foi, faut l'avouer, le boxeur de 35 ans est encore en excellente forme. Alcine avait connu toute une dégelée lorsqu'il avait perdu contre Daniel Santos, son titre de champion du monde. On lui donnait pas grand chance contre David Lemieux, qui est un des meilleurs prospects de boxe au Québec. Oui. 22 ans. Là. Mais juste à la pesée officielle, tu sais, quand Lewis se rencontre là, face à face, on prend des photos, on a de l'air le soir, je trouvais que Lemieux faisait pitié. Là. Ben, Lemieux n'est pas un charismatique. Lemieux n'est pas... Non, il avait peur. Tu sens ça, toi? Oh non, mais ça paraissait. OK. Joachim Alcine, tu sais, il a pris son aise, il était comme, tu sais, l'autre était comme, salut. Mais c'était vraiment bizarre. C'est comme un chat, François, tu ressens quand les autres ont peur. Mais ça se peut. Puis je vais te donner. Mais il était impressionnant, Alcine. Alcine était impressionnant, Lemieux aussi. Mais ce qui arrive avec David Lemieux, là, c'est qu'il a seulement 22 ans. Là, présentement, beaucoup de combats de fait, mais on l'a monté très rapidement. Et là, après le combat, Yvon Michel qui dit on a sous-estimé Joachim Alcine. Là, ça fait deux défaites de suite pour David Lemieux. La dernière fois, on avait dit on a sous-estimé, on s'est mal préparé contre. C'était Rubio. Et là, contre Alcine, on a sous-estimé. Il va falloir que le groupe Jim là, commence à travailler un peu mieux. Là, Estimer comme faux, puis à travailler beaucoup mieux. Parce que du côté de David Lemieux, là, on veut pas scraper une carrière, mais il apprend beaucoup. Et là, il va falloir que du côté de Lemieux, on apprenne que des coups, des jabs. Là, je t'écoute plus sens. Arrête de vouloir tout le temps le gros coup. Le gros coup de puissance. Puis là, ben, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu le sais, Alcine, à un moment donné, dans les cordes, mais il se faisait juste se bloquer. Il n'y avait à peu près rien qui touchait parce que Le mieux, c'était seulement du gros coup de puissance, donc il avait le temps de se préparer. Va falloir qu'il apprenne à travailler avec son jab. Va falloir vraiment qu'il apprenne à contrôler les boxeurs, à gagner le centre du ring et à garder ça et à faire perdre à épuiser l'adversaire s'il veut avoir un peu plus de succès. Mais bon, je suis content pour Alcine. Je suis content parce que, gars, écoute, il faut l'avouer, il n'est pas fini. Contrairement à ce que tu pensais, il est loin d'être fini. C'est quand même un ancien champion du monde. Puis là, s'il veut remonter au sommet, il va falloir qu'il apprenne par contre à travailler comme les autres. Ouais. C'était la première fois contre le mieux que Joachim Alcine regardait des vidéos. Alors que tout le monde fait ça, Joachim Alcine ne le faisait pas. Donc, tu as un outil qui peut t'aider à devenir champion du monde. Non, c'est ça, non. Exactement, c'est de prendre tous les outils disponibles. Tu sais, quand tu te fais dire t'es champion, ça va bien, puis tu sais, t'as jamais fait ça. Joachim Alcine, à la Tim Tebow, après tous ses combats, c'est merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu a probablement... Toi, ça t'énerve, ça. C'est pas que ça m'énerve. Mais normal. Dieu a d'autres choses à faire que ça. Comment? Ah non, c'est ça. Ben non, okay? C'est ça. Dont n'a pas existé. Oh, excuse-moi. Peu okay. importe, non, là, le débat est pas là, là, mais c'est correct si ces gens-là ont une foi. Mais même si on la foi de ça... Peu importe, là. Travaille donc toi-même à la place de demander. Travaille toi-même, exactement. Travaille toi-même. Et félicitations à Joachim Alcine là-dessus parce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé sur lui-même, puis ça a payé parce qu'aujourd'hui, il peut se vanter d'être de retour vers les sommets. Pas encore au sommet, mais vers les sommets de la boxe. Vers le paradis de la boxe. Oui, vers un titre de champion mondial. Ouais. D'ailleurs, il est encore très en froid avec le groupe Yvon Michel. Ah ouais? Ah, oh, il devait être heureux. Et qu'il devait être heureux. Ah ouais? Alcine, ouais. C'est pour ça aussi, ça l'a peut-être craqué, tu sais. Ben oui, c'est sûr, parce qu'il avait été abandonné par le groupe Yvon Michel, là, après ses... Il avait subi deux défaites, là. Il était sur le downfall, puis gars, c'est sûr que c'est ce que ça avait donné. Mais j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour jouer à Alcine. Hey, Canadien? Canadien. Thomas Caberlé. Ouais, ils ont bougé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, on y va. J'avais hâte de t'en... Thomas Caberlé a échangé un contre un contre Yaroslav Pachek. Je vais y aller en thème boursier un peu. C'est risqué. C'est une transaction à très hauts effets de risque. Très risqué comme transaction. Si ça fonctionne, ça se peut que ça se transforme en vol. Si Thomas Caberlé retrouve sa forme d'antan, à l'époque où il nous a tellement énervé les samedis soirs, alors qu'il était avec les Maple Leafs de Toronto... Ouais. Alors là, c'est un vol. Caberlé fait 4,25 millions par année environ. Spachek en faisait 3 environ, si je me trompe pas. 3,5 environ. De petites bières. Pas des gros salaires. Non, pas tout. Hein, du tout. Quoi, 84 matchs? 82. Ouais. Mais t'es pas payé dans les séries. Non. OK. Ouais, il y a des bonus sur la série, par exemple. Mais il n'y a pas de bonus de signature d'inclus dans ce qu'on dit. Donc, 4,25. Le problème, c'est que Caberlé, il reste 2 ans encore à son contrat. Donc, si ça foire, allons-y avec les mots, pardonnez-moi l'expression, mais si ça foire du côté du Canadien, on est encore pris avec un gros contrat pour un joueur qui ne peut pas livrer la marchandise. Là, ici, Scott Gomez. Par contre, si c'est payant, ça va l'être. Et ce que j'aime, ben là, on l'a vu là, en fin de semaine, qu'on est devenu... Ça fonctionne bien, il est présent, il fait deux passes. Déjà, a l'air un petit peu plus d'un général à la ligne bleue. Et c'est pour ça que du côté de Pierre Gauthier, on a cherché Thomas Caberlé. C'est une transaction de panique. C'est un geste de panique. Parce que là, on veut... Non, mais c'est sûr, mais sinon, c'est Ottawa de Savoie-Vite. Oui, exactement. Ouais. Mais sinon, c'est la tête du coach. Ou, sinon, il y a d'autres choses qu'il faut qu'il parte, on veut gagner tout de suite parce qu'on a peur que lorsque Markov va revenir, on va déjà être trop loin des séries. Ben oui. Donc, on a été chercher Caberlé. Et c'est qu'on avait beaucoup de jeunesse au niveau du powerplay, de l'avantage numérique. Là, je suis content parce que, bon, ça va stabiliser tout. Piqué va arrêter de tout le temps prendre des tirs puis de l'envoyer dans vite en arrière. Donc, ça va aider. Là, le Canadien, par contre, a perdu Brian Gionta. Donc, une autre défaite, un autre nom qui s'ajoute à l'infirmerie du Canadien. Ça sera pas... Hey, Gomez, qu'est-ce qui se passe avec? Oh, qui a mal, il fait le pot. Je suis tanné d'en parler de Gomez. Mais non, sérieux, je sais pas, j'ai essayé de chercher un peu. Ah, il est blessé. Il est blessé au bas du corps, un peu partout. Bon. Cette semaine, le Canadien, Flyers, Devils et mardi contre les Islanders. Contre les Flyers, c'est le match le plus difficile de la semaine. Je pense que les deux autres, contre les Devils et les Islanders, c'est très possible de gagner ça. Contre les Flyers, c'est plus difficile. Mais là, ils ont perdu Ilya Buzgalov, Claude Giroux, Braden Shen est à l'infirmerie, Chris Pronger aussi. Faites les calculs, ça serait difficile d'avoir plus les astres alignés pour le Canadien. Pour en même temps, le Canadien se débrouille bien contre les équipes fortes. Ouais, pas vrai, pas faux. Mais il va surtout falloir arrêter de perdre les avances là, du côté du Canadien. Non, ça c'est une lacune, on n'aura pas le choix. Puis en même temps, mais Price était très content d'ailleurs de faire l'arrêt là, contre le tir de pénalité. Le tir de pénalité à la fin du match. Là, donc, Price, oui. Et en terminant, il fallait qu'il arrête sinon. Terminant, un petit mot sur Frédéric Saint-Denis, l'ancien des Patriotes de l'UQTR, qui est retourné aux Bulldogs d'Hamilton après avoir disputé 8 matchs donc, dans la Ligue nationale. Un but, laissé une très belle carte de c'est visite. C'est bon, ben oui. Jacques Martin avait l'air content. Pas déçu du tout. Est-ce qu'on va le revoir un jour dans la Ligue nationale? J'en doute un peu. Il y a quand même beaucoup de défenseurs devant lui, mais bon, il va avoir vécu le rêve. Félicitations à lui, Frédéric. Pour le Canadien en plus. Il est parti de loin puis il a vécu le rêve avec le Canadien exactement. Hey, bon. Merci, Nicolas Ducharme. Ben, ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 8h30. Lundi, 8h30. Exactement. Et nous, on termine l'émission ici à Assemblage Requis. Salut. On va se retrouver demain matin à 7h. Et puis, pour l'instant, ça va être Chou de Bruxelles. Mais non, bien, les Chou de Bruxelles qui va suivre avec vos animateurs préférés et leur humour et leur bonne humeur et leur quoi d'autre, là, ça? Rire contagieux. Rire contagieux. Ah, c'est bien dit. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, ils ont tout. Ils ont tout. Je cherchais. Après ça, il y aura le dîner de con avec Danny Janvier, puis les palmarès c'est fou à 13h. À 16h, sera le boudoir avec de la musique émergente. Et en soirée, le voyage insolite et catalepsie. On se quitte avec une pièce de Popofolle. C'est Il pleut. Et puis, passez une excellente journée. Merci à Nicolas. Merci à Xavier. Merci à Kiwan. Merci à Mathieu. Oui, François-Olivier Marchand. Ah oui!